est une déclaration à la jeunesse sous pression, à la vieille garde qui tient bon, au tigre, au panthère, au dragon, à toutes les fleurs du pavé, la mauvaise graine des blesses paumées, aux rêveurs nés, aux écorchés, aux acharnés de la liberté. Allez, tiens bon, tiens bon là-bas. Allez, tiens bon, baisse pas ta garde. Souvent déçu, souvent déçu, jamais vaincu, jamais vaincu, parfois trahi, parfois trahi. Je jure qu'un jour les mauvais jours finiront. Si le soleil se lève pour tout le monde, c'est souvent qu'on a la part d'ombre. Mais je vais pas te faire un dessin, on marche sur le même chemin. Nos nuits blanchons les mêmes matins, ciel blafard et dernier train. Nos nuits blanchons les mêmes chagrins, alors on chante ce refrain. Allez, tiens bon, tiens bon là-bas. Allez, tiens bon, baisse pas ta garde. Souvent déçu, souvent déçu, jamais vaincu, jamais vaincu, parfois trahi, parfois trahi. Je jure qu'un jour les mauvais jours finiront. C'est sûr qu'un jour on lèvera l'ancre, rejoindre Porto à Saint-Marcande. Loin des temples où tout est à vendre, ici plus rien ne nous ressemble. Et si on doit tous rester là, c'est le monde entier qu'on chamboulera. Tant pis pour ceux qui n'y croient pas, nous on y croit quand on chante ça. Allez, tiens bon là-bas. Allez, tiens bon, baisse pas ta garde. Souvent déçu, souvent déçu, jamais vaincu, jamais vaincu, parfois trahi, parfois trahi. Je jure qu'un jour les mauvais jours finiront. Mmh.